بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل دراستنا بحمد الله جل وعلا في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سائلين الله المولى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يجعلنا من الفائزين في هذه الدنيا وفي الآخرة كما نسأله جل وعلا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وبعد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى في مسألة الاستفتاح في مسألة دعاء الاستفتاح وذكر المصنف بعض الأدعية التي رويت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الاستفتاح في الصلاة وأنه كما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستفتح في الصلاة ومن الأدعية المروية كما ذكرها المصنف رحمة الله عليه قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وهذا قلنا رواه أبو داود عن عائشة وكذلك روى الإمام مسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه من قوله إنه كان يجهر به في الصلاة من أجل أن يتعلمه الناس كما كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه أو رضي الله تعالى عنهما يقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة جاهرا ليعلموا أنها سنة ثم قال كل الناس يقولون هذا ولكن لا يفهم معناه إلا القليل سبحانك اللهم أي أسبحك والتسبيح تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به والذي لا يليق بالله شيئا إما مماثلة المخلوقين وإما النقص في صفاته وكأنك تقول أنزهك يا ربي عن مماثلة المخلوقين وعن نقص صفاتك أما قوله وبحمدك فالباء هنا للمصاحبة والجمع أي أضم إلى تسبيحك وتنزيهك أنني أحمدك للصفات الكاملة لأن الله محمود على صفاته الكاملة وعلى فضله وإحسانه الشامل العام تبارك اسمك قال العلماء معناها أن البركة تنال باسمك ولهذا إذا سمي الإنسان على الذبيحة حلت إذا وبهذا إذا سمى الإنسان على الذبيحة حلت وإذا ذبحها ولم يسم حرمت لقول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل انظر البركة هذه الشاة إذا ذبحتها ولم تسم صارت ميتة خبيثة حراما وإذا قلت بسم الله صارت مذكى طاهرة حلالا هذه من البركة ومن البركة أيضا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا قضي بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا ولهذا قال العلماء تبارك اسمك أي أن البركة تنال باسمك، تعالى جدك أي عظمتك وجلالك وغناك، تعالى أو تعالى أي ترفع عن أن ينال بنقص. فجد الله يعني عظمته وغناه وجلاله فوق كل عظمة وفوق كل جلالة وفوق كل جلال. ولهذا كل الملوك بالنسبة لله عز وجل ليس بشيء، كما قال ولهذا يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أنا ملوك الأرض. ليس بشيء ملوك الدنيا يوم القيامة أدنى واحد من خدمه ومن خدمهم على حد سواء، مهما بلغت ملكيتهم في الدنيا فإنه يوم القيامة تتلاشى ملكياتهم أو تتلاشى ملكياتهم. On va continuer, donc là on a essayé d'avancer un peu dans la lecture. Donc l'auteur continue à nous expliquer des invocations qui sont rapportées concernant la question qu'on était en train de traiter, qu'on avait commencé hier, ce qu'on appelle l'invocation de l'istiftah. Donc on avait appris que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il commençait la prière, il laissait un blanc. Il y avait un silence après le takbir jusqu'à la récitation de la fatiha. Les compagnons avaient remarqué un silence, en l'occurrence le compagnon Abu Huraira. Il avait remarqué que le prophète sallam laissait un silence. Et donc, il interrogea le prophète sallam au sujet de ce silence. Et il demanda au prophète sallam qu'est-ce que celui-ci lisait, sallallahu alayhi wa sallam, pendant ce silence. Et c'est là que le prophète sallam lui enseigna l'invocation de l'ouverture, ce qu'on appelle l'invocation de l'ouverture, qu'on a étudié dans la dernière assise, dans l'assise d'hier. La première invocation qui est célèbre, l'une des plus authentiques. Celle-ci, on l'a apprise hier. C'est la première invocation que l'auteur a mentionné dans les invocations concernant l'ouverture. Parmi les invocations aussi, qui nous sont rapportées, que rapporte l'auteur ici, le fait de dire, et comme on avait stipulé hier, donc il y a différentes invocations qui sont rapportées du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'istiftah, pour ouvrir la prière. Et donc, tantôt, on peut dire celle-ci, et tantôt, et parfois, on peut dire une autre. Celui qui, par exemple, mémorise différentes invocations de l'istiftah, dans une prière, il cite une, tantôt, et tantôt, il cite une autre. Il va citer une autre. Comme on a appris cela dans Bard al-Masa'il, dans certaines Masa'il, qu'on a apprise, qu'on va continuer ensuite. Donc parmi les autres invocations qui sont rapportées du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y en a une où qu'on peut dire Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ana jadduk wa la ilaha ghayruk. Vous pouvez dire ça. Ensuite, vous commencez la lecture de Surat al-Fatiha, Bard al-Istihadha wa al-Basmala. Et donc c'est pour ça que l'auteur ensuite, lui, comme à son habitude, comme pour la première, il explique cette invocation. Même arna, subhanakallahumma wa bihamdik. C'est quoi le sens de cela? On avait dit dans une traduction relative, gloire et pureté à toi, au Seigneur. Et donc on dit, et à toi la louange. Et à toi la louange. Sois béni, exalté, soit ta grandeur, que ton nom soit béni, exalté, soit ta grandeur, il n'y a d'autre divinité que toi. C'est une traduction relative de cette invocation. Cette invocation, elle est immense. Et on a dit qu'elle est rapportée par Abu Daoud, d'après Aïcha. Et on avait dit dans cette chaîne de transmission, fait un maqal. Il y a des propos qui ont été dits par les spécialistes, mais l'imam al-Hakim la considère authentique. Ou al-Hafid ibn Hajar dit que tous les hommes de la chaîne de transmission sont authentiques, sauf qu'il y a une interruption dans la chaîne de transmission. Ensuite, on avait rapporté ce que rapporte l'imam Muslim d'après Omar. Et on avait terminé avec cela dans la dernière assise. On avait dit Subhanakallahumma wa bihamdik. Quel est le sens de cela? Donc cette invocation, vous pouvez la dire aussi si vous apprenez celle-ci. Alors, Ça veut dire, le cheikh nous dit, la lettre bi exprime une liaison. Exprime une liaison. C'est lorsqu'on dit Subhanakallahumma wa bihamdik. Vous avez vu, wa bihamdik, Subhanakallahumma wa bihamdik. Donc là, le début, ça veut dire gloire et pureté à toi, au Seigneur. C'est-à-dire, lorsque vous dites Subhanakallahumma, vous êtes en train de proclamer la pureté. At-tasbih, c'est rendre gloire à Allah en le proclamant pur. C'est ça, at-tanzih. C'est-à-dire que lorsqu'on fait tanzih, on dit gloire à Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'on attribue la perfection à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, on exclut toute forme de comparaison, ce qu'on appelle al-mumathala ou al-mushabaha. Premièrement, lorsqu'on dit subhanakallahumma wa bihamdik, subhanakallahumma, ça veut dire qu'on fait tanzih. At-tanzih, c'est quoi? On nie toute forme de comparaison. Personne n'est comparable. Il n'y a pas de mumathala. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui est comparable. Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxièmement, on nie toute forme d'imperfection. Toute forme d'imperfection, on nie pour le Créateur. Donc lorsque vous dites gloire au Seigneur et louange à lui, gloire et pureté à toi au Seigneur, on est en train de nier toute comparaison du Créateur avec les créatures, ou bien on nie toute imperfection et diminution pour le Créateur. C'est-à-dire qu'on affirme la perfection du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Donc la doua, elle est immense lorsqu'on dit subhanakallahumma wa bihamdik. C'est quelque chose de grand. Le sens, il est azim. Et donc, lorsqu'on dit wa bihamdik, il dit la lettre B exprime une liaison, une addition. Autrement dit, en plus du tasbih et du tanzih, je loue tes attributs parfaits. En effet, Allah est loué par ses attributs parfaits, sa bonté et sa bienfaisance totale et générale. Ensuite, on dit « Wa tabaraka ismuk » et « Que ton nom soit béni ». Que ton nom soit béni. Quel est le sens de cela? D'après les savants, le cheikh il dit, l'auteur, d'après les savants, cela signifie que la bénédiction al-baraka s'obtient grâce à son nom. C'est pour ça que vous avez vu, en toute chose, il faut mentionner. On mentionne, on dit bismillahi. Lorsqu'on mentionne le nom d'Allah Azza wa Jalla, on recherche la baraka aussi. Al-basmala, c'est rechercher aussi la bénédiction d'Allah. Il y a l'istihana, la demande d'aide, mais aussi de rechercher la bénédiction. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit tabaraka ismuk, d'après les savants, cela signifie que la bénédiction al-baraka s'obtient grâce à son nom, lorsque le nom du Créateur, le nom d'Allah, est mentionné. Ainsi, regardez ce qu'il va dire, c'est très pertinent. Il dit ainsi, lorsqu'un homme, par exemple, vous avez vu dans notre religion, pour que une bête nous soit halal, licite à la consommation, alors il faut évoquer le nom d'Allah. Il faut évoquer le nom d'Allah. Et Allah nous dit dans un verset, ne mangez pas ce dont le nom d'Allah n'a pas été mentionné. Traduction relative. Ne mangez pas ce dont le nom d'Allah Azza wa Jalla n'a pas été mentionné. Donc pour nous, les musulmans, pour qu'une bête soit licite, halal, à la consommation, il faut le nom d'Allah. Il faut dire bismillahi. Il faut dire bismillah. Regardez ce qu'il va dire. Il va dire donc, avant d'égorger ou de sacrifier un animal, ce dernier devient licite à sa consommation lorsqu'on mentionne le nom d'Allah. Alors que s'il égorge la même viande, la même bête, sans mentionner le nom d'Allah, elle n'est pas halal. Elle n'est pas licite. C'est quoi qui fait la différence? C'est la mention du nom d'Allah. Si on n'a pas dit bismillah sur la bête, alors Allah nous dit de ne pas manger. Elle n'est pas licite. Ce qui fait la différence, c'est le fait de citer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, vous allez comprendre, regardez. Il dit, de ce fait, lorsqu'un homme prononce le nom d'Allah avant d'égorger un animal, ce dernier devient licite à la consommation, alors que ce qu'il égorge, sans prononcer le nom d'Allah, sa viande sera haram, illicite. Et là, il mentionne le verset, lorsqu'Allah dit, ne mangez pas des viandes sur lesquelles le nom d'Allah n'a pas été prononcé. Ne mangez pas. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لم يذكر اسم الله عليه. Et ne mangez pas de ce don des viandes sur lesquelles le nom d'Allah n'a pas été prononcé. Regardez ce qu'il va dire. Cheikh, il va mentionner un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « L'animal dont le sang a abondamment coulé et sur lequel le nom d'Allah a été prononcé, mangez-le. » Mangez-le. Donc c'est pour ça que nous, pour qu'une bête soit licite, il faut que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala ait été mentionné et prononcé. Alors Cheikh, regardez ce qu'il va dire. « Envorul baraka. » Il va dire « Regardez la baraka. » Lorsque tu égorges un mouton sans prononcer le nom d'Allah, il devient un cadavre, pourri, illicite, khabith. Si le nom d'Allah il n'a pas été prononcé, il est khabith, haram. Tandis, alors que si tu prononces le nom d'Allah, il devient pur, illicite. Il est tayyib, il est halal, il est bon. Cela fait partie de quoi ? Ça fait partie de la baraka. Lorsqu'on prononce le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Regardez par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui veut la baraka pour sa descendance. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné? Regardez, le prophète nous a tout appris. On a des invocations pour toutes choses. C'est juste à nous d'apprendre. Lorsque akramakum Allah, on veut faire le besoin par exemple, et idha dakhala al-insan fi bayt al-khala, il y a des invocations à dire en rentrant, en sortant. Regardez, même lorsque l'homme a un rapport avec son épouse, même à ce moment-là, le prophète nous a enseigné une invocation à dire. Une invocation à dire. Regardez, ce que le prophète sallam a évoqué dans cette parole est aussi une baraka. Le prophète dit, si quelqu'un de vous, lorsqu'il a commerce avec sa femme, disait, regardez le prophète ce qu'il dit, si l'un d'entre vous, littéralement ou approximativement, ils ont traduit de cette manière, si l'un d'entre vous, lorsqu'il a commerce avec son épouse, disait au nom d'Allah, Seigneur, donc il commence à dire Bismillah, donc même avant d'avoir le rapport, le fait de dire Bismillah, de citer le nom d'Allah, Bismillah, au nom d'Allah, Seigneur, éloigne de nous le diable et éloigne de ce dont nous serons gratifiés. Éloigne-le plutôt de ce dont nous serons gratifiés. C'est-à-dire, éloigne-le, Shaitan, de cet enfant. Ce dont sera gratifié, c'est l'enfant. Parce que s'il y a un enfant de cette union, de ce rapport, on fait un dua, Bismillah, et on demande que Allah Azza wa Jal, il nous éloigne de nous, un Shaitan. Éloigne de ce dont nous serons gratifiés. Alors, et qu'un enfant venait à naître de cette union, si un enfant naît de cette union, le diable ne pourrait pas nuire à cet enfant. Imaginez-vous la ni'ma de ceux qui sont nés d'une cause ou pour cause d'un rapport où les parents, ils ont cité Dua. Le prophète dit que celui-ci, cet enfant-là, Shaitan ne pourrait pas nuire à cet enfant. Et ça, c'est des choses parfois qu'on omet, qu'on néglige, ou bien parfois on connaît, qu'on pratique, mais on en oublie le sens réel. Donc le but c'est, ça c'est un doigt qui est immense, le fait de commencer de dire Bismillah Seigneur, éloigne de nous le diable. Pourquoi ? Parce que nous on oublie souvent que le diable c'est lui l'ennemi. Tous les problèmes qu'on a entre nous, êtres humains, à la base, celui qui attise tous ces problèmes entre nous, c'est Shaitan. Al-Adou al-Mubin, l'ennemi évident pour toutes les créatures, c'est Iblis, c'est Shaitan. Et regardez, Shaitan, alors que Allah Azza wa Jal, il avait créé Adam. Shaitan est jaloux de l'homme. Shaitan se pensait meilleur que Adam. Lorsqu'Allah il a créé Adam, il a dit aux anges de se prosterner. Lorsque les anges devaient se prosterner pour Adam, c'était par obéissance à Allah. C'était par adoration d'Allah Azza wa Jal. C'était l'ordre du Créateur. Fasajadu, illa Iblis. Ils se sont tous prosternés, sauf Iblis. Et lorsqu'il était dit à Iblis, قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ. Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner lorsque je t'ai ordonné. قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Moi je suis meilleur que lui. C'est ça l'orgueil. Il dit moi je suis meilleur que lui. Moi tu m'as créé de nar, d'enfer, de feu pardon, de feu alors que lui tu l'as créé d'argile. Et c'est là qu'ensuite Shaitan il fut banni et maudit. Et Allah donc l'a banni. Tandis que Adam, Allah Azzawajal, il va le mettre au paradis avec son épouse. Et Allah il va dire à Adam, Ya Adam, skun anta wa zawjuka al-jannah, fakula min haythu shi'tuma, wa la taqraba hadhihi shajara, fatakuna min adh-dhalimin. Et ensuite, lorsqu'Allah il a mis Adam au paradis et son épouse, regardez, Allah il lui a dit, Uskun anta wa zawjuka. Vis, toi et ton épouse, au paradis. Vous savez que cette histoire, il y a de grandes fawaïd. Il y a même une annonce, on a une bonne nouvelle. Regardez, parce que Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il a mis Adam au paradis et son épouse, il leur a dit Fakula min haythu shi'tuma, mangez de ce que vous voulez. Wala taqraba hadhihi shajara. Mais Allah a dit Il n'a pas dit ne mangez, ne vous approchez même pas de cet arbre. Ne vous approchez pas de cet arbre. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Et ensuite, Shaitan est venu, il a commencé à insuffler. Il a commencé à leur insuffler, mangez de l'arbre. En fait, Allah Azza wa Jal, il vous a interdit de manger de cet arbre. Il leur a cité deux causes pour convaincre Adam de manger. Il a dit deux choses. Il a dit, Allah Azza wa Jal vous a interdit de manger de l'arbre parce que si vous en mangez, vous serez des anges. Vous allez devenir deux anges. Et aussi, fatakuna min al-khalidin, et vous deviendrez éternels. Alors il leur dit cela. Que l'interdiction, à la base, Allah Azza wa Jalla leur avait interdit de manger de l'arbre. Pourquoi? Parce qu'il leur dit, parce que si vous mangez de l'arbre, vous allez devenir des anges et vous allez vivre d'une manière éternelle. Sauf que comme c'est un grand menteur, il insiste. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. Et lui, comme c'est un grand menteur, en plus il jure. Il leur a juré à tous deux. Il leur a juré, وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. Il leur a juré que je suis le meilleur conseiller pour vous. Alors Adam a mangé de l'arbre avec son épouse. Et dès qu'ils ont mangé de l'arbre, leur nudité est apparue. Leur nudité est apparue. Et là, c'est là qu'ensuite ils ont commencé à essayer de prendre une feuille. Des feuilles de l'arbre, des arbres du paradis pour couvrir leur nudité, pour couvrir leur nudité. Et lui, Shaitan, donc en fait, il leur a menti. Il leur a dit, Allah Azza wa Jal, il vous a interdit, فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانِ لِيُبَدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أو تكون من الخالدين. Alors que c'était faux, c'était pas vrai. C'est un menteur. Et il leur dit وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. Et c'est là que lorsqu'ils ont mangé de l'arbre, c'est là que leur nudité est apparue, ils ont pris des feuilles du paradis pour la couvrir. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌ مُّبِينٌ. Et c'est là que Shaitan, il dit à Adam et Hawa, ne vous ai-je pas dit de ne pas manger de l'arbre et que Shaitan est votre ennemi? C'est l'ennemi évident et manifeste. Et là, Adam et Hawa, c'est Adam est le père de l'humanité, donc c'est notre père. C'est le père des hommes. On est la progéniture et la descendance de Adam. Et là, ils vont laisser un exemple pour toute l'humanité, pour toute leur progéniture et leur descendance. Adam et son épouse, lorsque Allah Azzawajal va leur dire « Ne vous ai-je pas interdit de manger de l'arbre et de ne pas suivre Shaitan, car c'est votre ennemi, c'est l'ennemi de tous les hommes. » Qu'est-ce que vont répondre Adam et Hawa? Beaucoup, lorsqu'ensuite ils sont pris d'avoir fait une faute ou désobéi, ils essaient de justifier leur péché ou de nier leur péché. Beaucoup de les êtres humains, on nie. Non, c'est pas moi. Ils pourraient dire c'est Shaitan. C'est lui qui est venu, c'est pas moi. Nous, on n'a rien fait. C'est lui qui nous a insufflé. On voulait pas faire ça. Et remettre la faute. Mais regardez l'exemple de Adam et de Hawa. Ils ont dit, قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Tous deux. قَالَا, les deux. Donc on voit que c'est Adam et Hawa, les deux, au duel. Les deux, alaykoum salam. Les deux, ils ont dit, قَالَا رَبَّنَا. Regardez, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont pas chercher à justifier ou nier le péché. Tous deux vont dire, قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا. On s'est fait du tort. Les deux, ils vont dire, oh Seigneur, on a été injuste envers nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas, et si tu ne nous fais pas miséricorde, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. On comptera parmi les perdants. Regardez, Adam et Hawa, ils ont demandé tout de suite pardon. Ils n'ont pas nié le péché. Ça, c'est un exemple pour toute l'humanité. Celui qui a commis un péché, il ne s'entête pas. Oui, Atalif. Il reconnaît sa faute. Et il demande pardon à Allah Azza wa Jal. Et c'est qu'Allah Azza wa Jal va le descendre sur terre. C'est là que Adam descendra sur terre. Hal Adam Nabi. Est-ce qu'ensuite Adam, c'est un prophète? Souila Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, ils lui ont demandé, est-ce que Adam kana nabiyan? Et le prophète a dit na'am. Adam kana nabi min al-anbiya wa huwa ab al-bashar. Et c'est le père de l'humanité et il était prophète aussi. Car le prophète, on lui a posé la question, il a dit oui, il est prophète. Et pendant des siècles et des siècles, comme dit Abdallah ibn Abbas, pendant 10 siècles, les gens étaient sur l'islam, le tawhid et l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Donc, asl al-insan huwa at-tawhid wa la shirk. La base des êtres humains, c'est at-tawhid, c'est l'unicité d'Allah. Sauf qu'ensuite, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a mis Adam sur terre, il dit قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَا وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ. Et ça, c'est quelque chose d'immense. Allah, il dit قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَا. Sur terre, vous allez vivre, ensuite mourir, et d'elle, vous retournerez. Vous serez sortis plutôt. Et d'elle, vous serez sortir. C'est-à-dire qu'ensuite, la finalité de l'homme, c'est quoi? C'est de vivre sur terre. On y mourra. On va la quitter. Et de la terre, puisqu'on va être enterré sous terre, on sera sorti. Yawmul Ba'th. Qiyam. Le jour de la résurrection, on sera sorti de la terre. Et là, certains savants, ils ont dit, Al-Faïda, une grande Faïda, ils ont dit, Idan al-Asl. La base, c'est quoi notre demeure à nous? La demeure des êtres humains. C'est pas ici, le Jannah. Adi Faïdatun Azim. Ça, c'est la Faïda, franchement, la bonne nouvelle. Pour tous les croyants, pour tous les hommes. À la base, notre demeure à nous, notre maison, c'est le paradis, c'est pas ici. C'est pas notre vie ici. Cette vie difficile, semée d'épreuves, de difficultés, d'épreuves, de tests, de maladies, d'angoisses, d'anxiété, de problèmes. Cette vie-là, d'ici-bas, en réalité, c'est pas la demeure de l'être humain. La demeure de l'être humain, c'est au paradis. Allah Azza wa Jal, est-ce qu'il a pardonné à Adam? Naram. Où est la demeure de Adam? Allah Azza wa Jal, ensuite, a fait revenir Adam au paradis. Donc, il l'a fait revenir à sa demeure initiale. Donc, Al-Asl, la base, notre demeure, c'est pas ici. C'est pour ça que le prophète sallam disait, Kun fi dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Soit dans cette vie d'ici-bas, comme un gharib. Gharib, un étranger, ou bien Abiru Sabil, ou bien simple passant. Parce que Ad-Dunya, ce n'est pas notre demeure en réalité. Et regardez dans un hadith, le prophète Sansam, il disait Kullukum tadkhulun al-Jannah. Vous rentrez tous au paradis. Illa من أبا, sauf celui qui s'y refuse. قالوا ومن أبا يا رسول الله. Et là, lorsque le prophète s'est dit, vous rentrez tous au paradis, parce qu'on peut comprendre aussi que le paradis, c'est la demeure initiale de l'être humain. Donc Allah, il a mis Adam, et c'est notre père. Donc si Adam, sa demeure, c'est le paradis, il l'a fait vivre au paradis avec notre mère. Et ensuite, le mère, c'est-à-dire de l'humanité, il les a fait descendre sur terre un moment. Ensuite, il les a remis. Ensuite, Adam sera dans sa demeure initiale, Al-Jannah. C'est-à-dire que nous, les êtres humains, la demeure initiale, c'est le paradis. C'est le paradis. Et donc, on peut comprendre quand le prophète dit « Kullukum tadkhulun al-jannah » Vous rentrerez tous au paradis. C'est l'asl. « Illa man aba » Sauf celui qui s'y refuse. « Qalou »« Wa man aba ya Rasulallah » Qu'est-ce qui ne voudrait pas rentrer au paradis ?« Man ata'ani dakhal al-jannah wa man asani dakhal al-nar » Et là, le prophète s'en sème de dire « Celui qui m'obéit, il rentre au paradis et celui qui me désobéit rentrera en enfer. » Al-asl idan » Al-Jannah, c'est la base. Donc en fait, nous, on est des passants. On est des Abiru Sabil. On est de passage dans cette vie d'ici-bas. Et la demeure pour les hommes, en réalité, Allah a préparé Al-Jannah. Après, a préparé le paradis. Fais-en-Allah, Jalla wa ala, an yaj'alana min ahli Al-Jannah. Tayyib. Nous, on sait le kalam. Ensuite, Cheikh il dit. Donc ça, on avait fait une petite parenthèse. Cheikh, il dit, alors, ne mangez pas des viandes sur lesquelles le nom d'Allah n'a pas été prononcé. On avait dit, et aussi, on avait dit, lorsque l'homme il a un rapport, ne pas oublier de dire « Ad-du'a ». Donc vous avez vu, comme on a dit, l'ennemi évident pour l'homme, c'est Shaitan. C'est Shaitan. Nous, les conflits que les êtres humains ont les uns les autres, l'homme, le conflit qu'il a dans son foyer, lorsqu'il y a des conflits parfois, des mésententes dans le foyer, c'est Shaitan qui les a attisés. C'est parti d'un west-west. Les savants, ils disent, il y a un savant qui a écrit un très beau livre sur les wasawis Shaitan, sur les insufflations sataniques. Et dans son livre, il explique que tout le mal et les maux que vous voyez sur terre, que ce soit al-shirk ou al-kufr, les guerres et tous les maux que vous voyez sur terre, ça commence par un waswas. Le waswas. C'est des wasawis. Des wasawis ensuite qui vont se concrétiser en fitan, en acte. Sinon, tout ce que vous voyez le mal, les guerres, à la base, ça commence avec un waswas. Les problèmes entre voisins, c'est des wasawis au départ. Les problèmes dans des familles, problèmes d'héritage. Problème entre l'homme et la femme. C'est quoi? C'est Shaitan qui essaie d'attiser tout cela. Shaitan, il veut du mal à l'être humain. Il est aux aguets. Il est aux aguets. Il ne va pas lâcher l'être humain. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Il dit, je vais les assaillir par devant, par derrière, par la droite, par la gauche. Dans un hadith, il est rapporté qu'il dit بعزتك وجلالك لا أزل أروي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. Tant qu'il dit par ta gloire et ta fierté, c'est Shaitan qui dit ça à Allah Azza wa Jal, par ta gloire et ta puissance, je ne cesserai de causer la perdition de l'homme tant que son âme est dans son corps. Tant que tu vis, ton esprit dans ton corps, l'âme est dans le corps, il ne va pas te lâcher. Et Allah dit, « Bi'izzati wa jalali » Par ma gloire et ma puissance, je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils me demandent le pardon. Subhanallah. Lui, il essaye de nous égarer, et Allah dit que tant qu'on lui demande le pardon, Allah Azza wa Jal, il nous pardonne. Al-Muhim. Donc ce dua, lorsque l'homme... Ensuite, le prophète, Sam dans le hadith, dit « Lorsque l'homme, chacun de vous, lorsqu'il a à commercer avec son épouse, lorsqu'il dit au nom d'Allah, Bismillah, il cite le nom d'Allah, Seigneur, éloigne-nous de le diable, éloigne-nous de ce dont tu nous as gratifié, c'est-à-dire de cet enfant, s'il y a un enfant de cette union. » Et là, Cheikh, il dit « Et si un enfant venait à naître de cette union, alors le diable ne pourrait pas nuire à cet enfant. Le diable ne pourrait pas nuire à cet enfant. C'est pour cette raison que Shirin dit, d'après les savants, que ton nom soit béni. Regardez, lorsque dans le Dua ensuite, on dit Tabarak ismuka. ولهذا قال العلماء تبارك اسمك أي إن البركة تنال باسمك. Que la bénédiction elle s'obtient avec la mention du nom d'Allah. En disant Bismillahi, avec la mention du nom d'Allah. Ensuite on dit تعالى جدك أي عظمتك وجلالك وغناك تعالى. Il dit, c'est dans le sens, dans ce qu'on dit cela ensuite, c'est-à-dire ta grandeur, ta majesté, ta magnificence, ta'ala, tu es au-dessus de toutes. Tu es au-dessus de toute majesté ou de toute grandeur et de toute majesté. Ainsi, tous les rois ne sont rien par rapport à Allah. Regardez, c'est la traduction de ce qu'on a lu précédemment. Et dit, où sont donc les rois de la terre ? Ils ne seront rien. Au jour de la résurrection, les rois de ce bas monde et leurs plus vils servants seront au même niveau. C'est fini. Le jour de la résurrection, celui qui était roi et ses servants, il n'y aura plus de différence. Il n'est plus roi. Ayn al-Mulouk. Où sont les rois ? C'est fini. S'ils avaient une part de royauté ici-bas, Yom al-Qiyama, c'est fini. Et là, chers, regardez ce qu'il dit. Ils ne seront rien. Au jour de la résurrection, les rois de ce bas monde et leurs plus vils servants seront au niveau ou au même niveau. Quelle que soit la grandeur qu'aura atteinte leur royauté dans ce monde, au jour de la résurrection, il n'en restera rien. Il n'en restera rien. Alors c'est pour ça que Dua al-Istiftah, dans son livre, l'auteur de la description de la prière du prophète, sallam, Cheikh Al-Albani a évoqué différentes invocations. En l'occurrence, celle-là, il l'a évoquée. Comme il a évoqué aussi qu'on peut dire, par exemple, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi kathiran wa subhanallahi bukratan wa asila. On peut dire ça. Celui, par exemple, après avoir dit Allahu Akbar, il dit ça. Il dit Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi kathiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Il peut faire l'istiftah comme cela. Il peut faire l'istiftah de cette manière. Comme il est rapporté Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan fih istaftaha bihi rajulun akhar. Comme cela est rapporté. Et donc, il y a différentes invocations qui sont rapportées comme on va les voir. Hier, on devait terminer la question concernant le jugement religieux, al-hukm, le jugement religieux de al-istiftah. Donc, est-ce qu'il est obligatoire de le faire ou bien c'est recommandé de faire du'a al-istiftah? Les savants disent, si on regarde l'apparence du récit, il y a un hadith qui est rapporté à l'époque du prophète, Sam, dont on avait fait allusion hier, de celui qui avait mal fait sa prière. Alors un homme, on a dit, était rentré dans la mosquée à l'époque du prophète, sallam, et le prophète l'a vu prier. Lorsqu'il a fini de prier, il est parti voir le prophète, Sam, il lui a dit, salam alayka ya Rasulallah. Le prophète lui a dit, alayka salam, irja fa salli fa innaka lam tu salli. Le prophète lui a dit, repars prier car tu n'as pas prié. L'homme, on a dit, il a réitéré cela, comme il est dit dans une riwaya, trois fois. Et à chaque fois, le prophète lui dit, repars prier car tu n'as pas prié. D'où l'importance, on va apprendre donc à bien prier. Et là, alors certains savants disent qu'ensuite, lorsque l'homme a dit au prophète, enseignement, ya Rasulallah, je ne connais pas autre chose, le prophète lui a dit, la tatimu salatu li ahad min an-nas hatta yukabbira wa yahmadillahi azza wa jal wa yuthni alayhi wa yaqra bima tayassara min al-Qur'an. Hier, on avait terminé assise avec la mention de ce hadith. Si vous en rappelez. Là, les savants disent, si on prend l'apparence de ce récit, donc, on pourrait comprendre que l'istiftah est obligatoire. Puisque le prophète, quand il va enseigner à l'homme, il va lui dire, lorsque tu commences et tu dis Allahu Akbar, alors ensuite, tu fais les louanges d'Allah, tu fais les éloges d'Allah, et ensuite tu récites. Ma tayassara min al-Qur'an. Tu récites ce que tu peux du Qur'an. Certains savants ont compris, donc peut-être que ça sous-entend al-istiftah. Et donc, certains ont dit que d'apparence, dhahir min al-nas, c'est que ça sera obligatoire. Sauf que la majorité des savants considèrent que ça fait partie des mustahabbats. Qala walladhi yatarajjahu 'indi wa qala al-sharih al-kitab yaqul والذي يترجح عندي أن دعاء الاستفتاح من المستحبات وليس من الواجبات وليس من الواجبات pour différents points. Et le cheikh va dire que ce qui est le plus juste, c'est que c'est recommandé. C'est-à-dire, comme on a dit hier, celui qui le dit, il sera récompensé. Celui qui ne l'a pas dit, il n'a pas commis de faute. Il n'a pas commis de faute. Pourquoi ? Pourquoi c'est recommandé et pas obligatoire de faire l'istifta'h ? الأمر الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد فيه صيغة معينة يلزم بها ولو كان واجبا لا ألزم بصيغة معينة في هذا الدعاء. Pourquoi ? Parce que premièrement, les savants ont observé, regardez la déduction, ils ont dit, on va pas jusqu'à dire que c'est obligatoire, parce que si c'était obligatoire, le prophète il aurait imposé une façon précise de dire. Sirat moyenne. Il y aura une façon précise. Le prophète, il leur a enseigné une façon bien précise de dire. Mais là, le prophète, Hassan, lem yulzim. Il n'a pas imposé siratan moyenne. Une façon précise. Donc, de sorte. Voilà qu'ad la hazatum fi had al hadith. Anabar de siyar. Ja'at. Min and sahaba. Istaftahu biha salah. Et qu'il y a quelque chose de très important qu'il faut savoir, il y a une faïda que dit le commentateur, certaines invocations qui nous sont rapportées de l'istiftah, de l'ouverture, ça remonte à des compagnons. C'est des compagnons qui disaient cela de l'istiftah. Regardez ce qu'il dit. وَقَدْ لَاحَظْتُمْ فِي الْحَادِثِ أَنَّ بَعْدُ الصِّيَغِ جَاءَتْ مِنْ عِنْدِ الصَّحَابَةِ. C'est le sahaba qui disait ça. استفتحوا بها الصلاة مثل الصيغة الدعاء الذي ذكره المصنف تحت البند أن أحد الصحابة استفتح بقوله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Ça, c'est déjà من عند الصحابة. Donc il y a certaines manières, en plus ça vient de compagnons, comme par exemple celle-ci. Celle-ci, il est rapporté le fait de commencer de dire, celui qui par exemple qui connaît pas la première, on a dit celle qu'on a enseignée hier, qu'on a lue en disant que c'est l'une des plus authentiques qui est rapportée du prophète, on l'a même commenté, on a expliqué. Lorsque le prophète sème dans al-Istiftah, il dit Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayaya kama ba'adta bayna al-mashriq wa al-maghrib. Ce doit. Ô Seigneur, éloigne-moi de mes fautes comme tu éloignes le couchant du levant, ou l'inverse, le levant du couchant. Ce doit-là. Ça, il est rapporté, c'est l'un des plus authentiques. Celui qui n'a pas pris celle-ci, il peut dire par exemple Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. C'est des louanges d'Allah. Ça, c'est vu d'un compagnon. Ça, c'est confirmé. Un compagnon le disait. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Par exemple, celui, jusqu'à aujourd'hui, qui ne faisait pas l'istiftah. Qui n'avait pas appris une façon de faire l'istiftah. Dès maintenant, il peut faire celle-ci. Elle est simple. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Mubarakan fihi. Elle est celle-ci, elle est simple. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Il peut faire les siftah. Ça, il dit, c'est rapporté d'un compagnon. طيب. فدل ذلك أن الدعاء هذا متروك إلى المصلي. يقول كيف ما شاء. Il dit le sheikh alors, ça c'est un savant de la Mecque qui commente, hein. Qui commente le livre de la description du prophète de Cheikh Al-Albani. Je vous lis ce passage, c'est très pertinent. Et je vous liserai parfois des fawa'id. Vous allez voir la manière de s'asseoir, comment mettre les pieds. On va bien apprendre en détail parce que beaucoup s'assoient d'une manière qui n'est pas rapportée du prophète. Beaucoup font des choses dans la prière qui n'est pas rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on va essayer de bien comprendre les détails. Là, déjà dans l'istiftar, regardez ce que l'auteur dit, le savant. Fadalla zalika, donc on comprend quoi ? Que l'invocation s'est laissée au prieur. Matruk il al-musalli yaqul kayfa ma sha'a. Il dit comme il veut. Il peut dire comme il veut. Law kana wajiban la ja'a tahdiduhu min ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa la ankara 'ala as-sahabi ibtida'ahu bi hadhihi as-sigha. Et donc si c'était une obligation, les savants disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait désavoué le compagnon qui vient avec une invocation de lui. Ça c'est le premier point pourquoi que les savants ils ont dit que c'est important, parce que de comprendre pourquoi beaucoup de savants, la majorité, ils disent que c'est pas une obligation. Al-amr thani, le deuxième point pourquoi on dit pas que c'est, et les savants disent pas que c'est une obligation. Alladhi yadullu ala adam al-wujub hadith Abi Hurayra faqad jaa fihi anna Abi Hurayra radiyallahu ta'ala an sa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما تقول بين تكبيرة الإحرام وبين الفاتحة الحديث le hadith qu'on a évoqué hier avec la première façon qu'on a apprise hier avec l'explication lorsque le prophète s.a.w. disait au Seigneur éloigne de moi et de mes fautes, éloigne-moi de moi mes fautes comme tu as éloigné le vent du couchant, cette invocation. Là il dit ce hadith là on voit que Abu Huraira, lorsqu'il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, qu'est-ce que tu dis après le takbir et avant de l'al-fatiha? Il lui dit, qu'est-ce que tu dis? Et là, le prophète lui a dit, qu'est-ce qu'il disait? Akoul. Ashir, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Akoul, je dis. Had al-hadithu dalilun ala anna ghirun wajiba, ou ghira wajiba. Il dit, ça c'est la preuve que c'est pas obligatoire. C'est la preuve que c'est pas obligatoire. Vous savez pourquoi? Regardez les savants, comment istadel que c'est pas obligatoire. وَلَمْ يَكُنْ مِمَّا عَلَّمَهُ دُعَى الْإِسْتِفْتَاحِ فَعَلَّمَهُ الصَّلَاةِ. Voilà. Al-Bidair. هذا الحديث دليل على أنها غير واجبة. فَعَلَّمَهُ الصَّلَاةَ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَكُنْ مِمَّا عَلَّمَهُ دُعَى الْإِسْتِفْتَاحِ. Dua al-istiftah. Le prophète, il avait enseigné la prière, mais il n'a pas enseigné le dua al-istiftah. فَلَوْ كَانَ وَجِبًا لَوَجَبَا أَنْ يُعَلِّمَهُ ابْتِدَاءً. Si c'était une obligation, la première chose qu'a enseigné le prophète, dua, l'invocation d'ouverture. وَأَنَّهُ سَأَلَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سُكُوتِهِ بَيْنَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ. فَلَوْ كَانَ يَعْلَمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ هَذَا مَوْضِعُ دُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ لما سأل الرسول فلو كان يعلم رضي الله تعالى عنه أن هذا موضع دعاء الاستفتاح لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وجمهور أهل العلم على أن دعاء الاستفتاح مستحب. Et pour cela, le savant il dit, si lorsque le compagnon Abu Hurayra il interroge le prophète صلى الله عليه وسلم sur ce silence qu'il gardait entre تكبيرة الإحرام et الفاتحة, il interroge. فَلَوْ كَنَ يَعْلَمْ. Si lui savait à Abu Huraira que c'était le moment de faire l'istiftar, il n'aurait pas demandé au prophète. C'est-à-dire qu'il ne savait pas. Et donc ça prouve que le prophète ne leur avait pas enseigné. Parce que s'il interroge le prophète, c'est quoi ce silence, Ya Rasulallah, que tu laisses? Qu'est-ce que tu dis? C'est-à-dire que le prophète ne lui avait pas appris celle-ci. Et donc les savants, ils ont déduit que ça veut dire que c'est pas obligatoire. C'est pour ça que la majorité des savants, قال جمهور العلماء, ils disent que dua al-istiftah laysa biwajib, que c'est pas une obligation. Al-mas'alatu al-thalitha. قال هل لدua al-istiftah صيغة معينة؟ الجواب ليس لدua al-istiftah صيغة معينة. إنما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عدة صياغ وهذا من باب اختلاف التنوع فالكل مما ورد مشروع ومستحب وعلى المسلم أن ينوع بين الصياغ الواردة فإن لم يحفظ منها شيئا ذكر الله وأثنى عليه مما أمكن أو بما أمكن. Il y a une grande faïda. Regardez ce qu'il dit, le cheikh. Il dit maintenant, troisième question. Est-ce que, donc, pour Dua al-Istiftah, est-ce qu'il y a une manière précise? On a dit non. Il n'y a pas de manière précise. Donc, s'il n'y a pas de manière précise, parce qu'il y a différentes façons qui nous sont rapportées du prophète. Il n'y a pas qu'une manière de faire l'Istiftah, qui nous sont rapportées du prophète, sans celle-là. Et donc, ils disent que ça, c'est minbab, irtilaf et tanawwa. Donc, si vous, comme on avait dit dans l'assise d'hier, si vous mémorisez différentes doa al-istiftah, ou adaya al-istiftah, vous n'êtes pas obligé de toutes les dire. Vous en dites une. Après, pour une autre prière, vous dites une autre. Sauf que, maintenant, celui, regardez, ils disent, wa ala al-muslim an yunawwi'a bayna as-siyari al-warida. فَالْكُلْ مِمَّا وَرَدْ مَشْرُعُ مُسْتَحَبُ. Parce que tout ce qui est rapporté, c'est légiféré et c'est bien de le dire. Et donc, ils disent les savants que le croyant dans sa prière, qu'est-ce qu'il fait? Il varie. Tantôt il dira celle-ci, tantôt il dira celle-là. Mais maintenant, celui qui n'a pas appris, il ne sait pas. Il n'a pas appris une formule rapportée, puisqu'on a dit donc qu'il n'y a pas une formule précise. Il y a différentes formules qui sont rapportées du prophète. Et d'autres, ça vient des compagnons. Comme on a dit, ça vient des compagnons. Si maintenant quelqu'un veut faire l'istiftah, mais il n'a pas mémorisé de formule, même une, il n'a pas mémorisé. Même par exemple, Hamdan Kathiran Tayyiban, Barakan Fi, il ne la connaît pas. Il ne sait pas. Alors, lui, par exemple, l'imam laisse un blanc. S'il prie avec l'imam, ou s'il prie seul, il laisse un blanc. Là, s'il ne connaît pas, regardez ce que va dire Shir. Regardez. فَإِنْ لَمْ يَحْفَظْ مِنْهَا شَيْئًا ذَكَرَ اللَّهِ وَأَثْنَ عَلَيْهِ بِمَا أَمْكَنَ. Il dit, si par contre, le prieur, il ne connaît pas, il ne connaît aucune formule, alors regardez ce qu'il dit. Il dit, il peut le faire, il évoque Allah. Il évoque le nom d'Allah et يُثْنِ عَلَيْهِ. Il fait l'éloge d'Allah. Si on ne connaît pas une formule précise, on peut نَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَ et نُثْنِ عَلَيْهِ أَثَنَا. On fait l'éloge d'Allah. Les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, bima amkana. Selon ce qu'il peut. Alaykum salam wa rahmatullah. Il dit, selon ce qu'il peut. Bima amkana. Bima'na, wa ala al-muslim an yunawwi'a bayna as-siyari al-walida, fa in lam yahfaz minha shay'an, qala, dhakara Allah wa athna alayhi bima amkan, lakin alayhi an yahrisa ala hifzi ba'd ma warada in amkana. فإن أفضل ما يستفتح به المسلم بعد تكبيرة الإحرام ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. قال في المسألة avant من دي فرابل الشيخ دي par contre c'est mieux. Par contre, c'est mieux qu'il apprend. Il apprend une formule. Et il dit une formule qui est rapportée du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Tafadhal. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حيا حيا الصلاة. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة محمد أننا مسيته والفضل أبعاد ثم Pour terminer, نكتفي بهذا. La prochaine fois quand on prendra tout de suite une masala ajiba fi ma'na de an istiftah. Et la masala, regardez, elle prend toute la page. Masala, c'est juste une question sur de an istiftah, regardez, ça prend toute la page. Je vous lis la question. Et la prochaine fois, dans la prochaine assise, on la fera. Qala, al-mas'alatu al-khamisa, kayfa yusamma hadha ad-du'a bi-du'a al-istiftah? Il dit, pourquoi on appelle ça du'a istiftah? Kayfa yusamma hadha du'a? Du'a istiftah? Wa minhu siyagh laysa fiha talab. Wa minhu siyagh laysa fiha talab. Il y a des manières, des formules de faire l'istiftah, il n'y a pas de demande. Alors qu'un du'a, ad-du'a huwa at-talab. C'est une demande. Mais là, par exemple, il y a des siyars, vous avez vu, il y a des formules, il n'y a pas de talab. Pourquoi on appelle ça du'a? Limada yusamma hadha du'a l'istiftah wa minha mathalan. Qala, wa isma'u hadha al-kalam, thumma sanutarjim al-kalam fi al-harqatin qadima, inshallah. Qala, al-mas'alatu al-khamisa, kayfa yusamma hadha du'a bidu'a l'istiftah wa minhu siyar laysa fiha talab. Qala, ad'iyatu l'istiftah minha ma fiha mas'ala wa talab lillahi subhanahu wa ta'ala. ومنها صيغ تخلو عن المسألة والطلب مثل الصيغة التي وردت تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ما في طلب أو في الدعاء مثلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة on peut faire ça الدعاء الاستفتاح on dit الله أكبر et on dit الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصلة هذا ما فيه طلب يا با الدعاء ليس بدعاء لكن سمي دعاء الاستفتاح لماذا قال ومنها الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه on peut dire ça حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه هذا دعاء استفتاح هذا ما فيه طلب قال الشيخ أقول وهو من علماء مكة قال أقول هذه الصيغ ليس فيها مسألة وطلب فكيف تسمى دعاء الاستفتاح الجواب أن تعرف أيها المسلم أن الدعاء اسم شرعي يطلق على نوعين النوع الأول دعاء المسألة والطلب وأن تقول مثلا رب اغفر لي اللهم ارحمني مثلا هذا فيه طلب ونحو ذلك والنوع الثاني دعاء تعظيم لله وتمجيد وتنزيه مثلا دعوة يونس ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأفضل الدعاء يوم العرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الكلام يعني المسألة تطول إن شاء الله ولا نطيل عليكم بحول الله جل وعلا فسنكتفي بهذا القدر ونحيل بقية الحديث في حلقة قادمة سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في قول والعمل وأن يحسن ختامنا جميعا اللهم أحسن ختامنا اللهم أحسن ختامنا اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم أوه.